Jésus cheminait, approchant de Jérusalem. Des gens au grand nombre étendaient leurs vêtements sur son passage. D'autres coupaient des rameaux et enjonchaient le chemin. D'autres avaient des palmes à la main. Tous criaient. Maintenant le monde va être jugé, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et pour moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai ainsi les scribes et les pharisiens. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous diront. Mais ne les imitez pas, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, pour en charger les épaules des autres. Mais s'ils ne voudraient pas les remuer même du doigt. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez aux hommes le royaume du ciel. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui au dehors paraissent beaux, mais qui sont pleins d'ossements de mort et de pourriture. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous élevez des tombeaux aux prophètes, vous ornez les sépulcres des justes, et vous dites: si nous avions été là du temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices dans le meurtre des hommes de Dieu. Hypocrite! Ainsi vous témoignez contre vous-même que vous êtes bien les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc, vous comblez la mesure de vos pères. Servons, le vipère. Échapperez-vous au supplice de la chaîne. Voici, je vous enverrai des prophètes et des justes. Vous ferez mourir et crucifier les uns, vous ferez fouetter les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel juste jusqu'à celui de Zacharie que vous avez. Le sanctuaire. avec ardeur de manger assis de ce monde à son père. Du souper. Le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote le dessein de trahir, Jésus fut troublé en son esprit et dit à ses disciples: en vérité, je vous déclare que l'un de vous me sur son sein et lui dit: Maître, qui est-ce? Jésus lui répondit: c'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. Et Jésus, trempant un morceau, le donna à Judas Iscariote. Quand Judas y prit le morceau, s'accotra en lui. Jésus lui dit: fais au plus tôt ce que tu as à faire. Et Judas sortit brusquement. Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié. Et ayant pris avec lui chaque jour, il commence à être saisi d'angoisse et de frayeur. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Thank you. maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Comme il disait ces mots, Judas arriva suivi d'un grand nombre de gens armés d'épées et de bâtons. Il s'approcha de Jésus et lui dit: Maître, maître, et le baisa. Aussitôt, ils mirent la main sur Jésus et se saisirent de lui. Venu me prendre avec des épées et des bâtons comme si j'étais un voleur. Pourtant, j'étais tous les jours au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas